à trop vouloir vivre. On finit tous par subsister, mais a-t-on d'autre choix que survivre? Errant sur cette terre sans savoir où aller, espérons les lumières d'une nouvelle destinée, d'une nouvelle galaxie. Si l'on pouvait tout dépérer et recommencer, un nouvel univers face à l'obscurité. À trop vouloir se couvrir, on finit tous par se noyer, mais le pire est-il à venir? Errant sur cette terre sans savoir où Attention, vous venez de quitter une zone live.